L'oiseau qui vole si doucement, l'oiseau rouge et tiède comme le sang, l'oiseau si tendre, l'oiseau moqueur, l'oiseau qui soudain prend peur. L'oiseau qui voudrait vivre, l'oiseau qui voudrait chanter, l'oiseau qui voudrait crier, l'oiseau qui vole si doucement. C'est ton cœur, joli enfant, ton cœur qui bat de l'aile si tristement. Vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui, on va parler du roi et l'oiseau. Eh, hey, rapido ! Ouais, Resmo ! T'entends ce rythme endiablé ? Ça, ça fait danser les races. Madame Lofi, je suis content. Très tendre. Efficace, la potion ! Et mets-toi dedans ! La vie à quoi ? Garde, vous prenez bien, hein, on y va tous les étés. Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler du Roi et l'Oiseau, film d'animation traditionnel réalisé par Paul Grimaud d'après des textes de Jacques Prévert et adapté du roman La Bergère et le Ramoneur de Hans Christian Andersen. Je suis content, je l'ai bien dit. Le film est sorti en 1980, mais aussi en 1953 et on vous expliquera pourquoi cette bizarrerie dans un instant. Le film a reçu le prix Louis Deluc en 79. Si vous ne connaissez pas, c'est normal, nous non plus. Au doublage, on retrouve Jean Martin, Pascal Mazzotti, Agnès Viala et Renaud Marx, entre autres. Avec moi autour de cette table pour parler du film, Robin. Bonjour Robin. Bonjour. Ça va bien ? Ça va et toi ? Bah ça va tranquille, écoute. Et Sacha, bonjour Sacha. Bonjour Robin, bonjour Jean. Ça va ? Ça va et vous ? Bonjour ouais, Sacha. C'est cool, on est content. Alors... Avant que de nous commencions, quelques erratum. Mais attends, il faut pas que je m'écoute, je suis bourré. Erratum numéro 1, la BD Astérix, dont on n'arrivait pas à trouver le nom dans l'épisode précédent, c'était La Rose et le Glaive, avec la professeure qui vient remplacer Assurance Touriste. Ah, c'est une prof. Oui, c'est une prof qui s'appelle... Et maintenant que tu le dis, j'ai la couverture en tête avec la rose et la... Et, voilà. Et le glaive, du coup. Et en fait, deuxième erratum, j'avais dit que les femmes chassaient les hommes du village. Non, c'est les hommes qui partent d'eux-mêmes. C'est ça, ouais. Parce qu'ils sont pas contents. Ok. Voilà. Deuxième erratum, et là, c'est toute la prod de Micros Paris qui va devoir s'excuser. La lait et la femelle du sanglier, et non, le petit s'appelle le marcassin. Hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, je sais pas. C'est moi qui ai appelé la scène. Donc comme on fait nos excuses à toute la communauté sanglière qui nous a pointé notre erreur sur les réseaux sociaux. Désolé. Et enfin, la nuit américaine, on ne s'est pas planté, mais une petite précision, on a parlé de filtre bleu, ce qui est vrai, mais il y a surtout un filtre polarisant qui est utilisé devant l'objectif pour réduire l'exposition et donc rendre l'image plus sombre. C'est ça. Et bien, on va pouvoir résumer le film. Sacha, est-ce que tu veux résumer le film ? C'est pas une proposition, hein, en fait. Ah, mais d'accord. C'est une question rhétorique. Tu peux garder tes yeux écarquillés et nous regarder. Il va quand même falloir que tu résumes le film. Ok, j'étais pas prêt à celle-là. Merci d'avoir prévenu. Ouais, alors, Le Roi et l'Oiseau. J'ai le droit de résumer avec des spoils ou avec... Ah oui, spoil away, on s'en fout. Le film est un peu vieux quand même. Ok, oui, c'est pas faux. Si vous l'avez pas vu... Ah, qu'est-ce que vous foutez là ? Bref, le résumé du film. Eh bien, dans le royaume de Tachycardie, un oiseau farceur et philosophe aide un ramoneur et une bergère à s'enfuir du royaume alors qu'ils sont poursuivis par le méchant roi. Charles 5 et 3 font 8 et 8 font 16. Et aussi, accessoirement, renverse le règne du roi. Et voilà. Bah oui, c'est un très bon résumé. Ça, franchement pas mal. Alors le nom du roi, je t'attendais au tournant. Hein. Ah ouais, mais le 5 et 3 font 8 et 8 font 16, j'étais là. J'ai tellement de fois ce film. Ouais, ça... OK. Eh ben on va vous demander rapidement votre avis sur le film. Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle ? Robin, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? Alors, moi la première fois que j'ai vu le film, je crois que j'étais dans le début de l'adolescence, genre 13-14 ans, et je me souviens que ça avait vraiment été une super expérience. Le revoir pour le podcast et tout ça, c'était long. Mais tu te rends compte que 1h20, ça fait 80 minutes, et que 80 minutes, c'est quand même long. Et c'était long, et c'était par moments très soporifique. Je pense que moi, quand je l'ai découvert, quand j'étais au début de l'adolescence, c'était pas le film que je voulais absolument voir, mais une fois que je l'ai vu, ça m'a débloqué plein de trucs de compréhension sur tous les thèmes abordés du film, toute la symbolique du film. Est-ce que tu penses qu'on se pose moins de questions quand on le voit plus jeune ? Et que c'est peut-être pour ça qu'il passe mieux. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Oui, non, mais c'est certain. Moi aussi, ouais. Je pense que oui, parce que déjà, il y a un autre aspect de la compréhension que tu as quand t'es plus jeune. Il y a beaucoup de symboles et de références que t'as pas. Du coup, ben, tu les digères sans vraiment les comprendre. Je pense que tu te poses beaucoup moins de questions. Et tu mets aussi beaucoup tout sur le compte de, ouais, c'est vieux. Sache à ton avis. Un peu comme Robin, je l'avais vu très jeune. Ouais, avant l'adolescence, ça devait être une des trois cassettes qui se battaient en duel avec Star Wars et Willow. Les bonnes vieilles VHS, ouais, c'est ça. Que je regardais tout le temps. Et alors, par contre, donc j'ai un gros affect, mais c'est vrai qu'après l'avoir revu, il est lent et il est pas simple à voir. Pas pour autant mauvais, mais c'est vrai qu'il est très lent. Et par contre, un truc très marrant, c'est que j'ai jamais imprimé la deuxième partie du film, en fait. Même quand j'étais petit, je devais m'endormir avant. Du coup, le début, je le connais très bien. Et après, il y a une rupture quand... Quand ils sont dans la fosse au lion. C'est à peu près ça, ouais. Un peu ouais, avant, quand ils commencent à rentrer dans la, vieille, dans la ville basse. Ouais, après, je suis d'accord avec toi. Cette partie, je la connais moins. J'avais des bribes, et puis il y avait plein de trucs que j'avais oubliés. Putain, c'est vrai qu'il se passe ça. Mais oui, moi, c'est pareil. Quand je l'ai revu, tous mes souvenirs, en fait, ils sont contenus dans les 20 premières minutes. Ouais, ouais. Et après, ouais, c'est vraiment ça, ouais. Et toi, Jean? Et toi, Jean? Mais moi, globalement, je me suis fait chier. Je vous cache pas. Mais c'est pareil, je l'avais vu. Moi, je l'ai vu vraiment jeune. Je devais avoir moins de 10 ans. Et j'en garde un excellent souvenir. Pour moi, c'était un très, très, très bon film d'animation, exceptionnel, machin. J'étais très content quand on a dit qu'on allait le faire. Et en le revoyant, à la vache. Ça reste un bon film d'animation. C'est juste qu'il est. Ouais! Il n'est pas dans la catégorie entertainment. C'est ça, on va en reparler, il y a plein de défauts quand même. Hein. Est-ce que tu peux définir entertainment ou le traduire? Divertissant, merci. Divertissant, oui, oui. Il y a des bonnes idées, c'est cool sur pas mal de points. Je trouve que le personnage de l'oiseau est bien écrit, mais que son animation le dessert énormément. C'est pas très propre, quoi. Ah bah ça, on va en reparler. Mais c'est ça, c'est un bon film d'animation, mais pas pour la qualité de l'animation. Le problème, c'est que j'y ai trouvé beaucoup moins que ce que je m'attendais à y trouver en le revoyant. Voilà. Franchement, le dernier plan, j'étais là, vas-y, pète l'attaquage et zou, quoi, générique. Parce que... voilà, donc bof, pour moi, un gros bof, même si effectivement, il y a une part d'affect liée à l'enfance. Et ben écoutez, je pense que c'est le moment de passer au plan ou à la séquence qui vous a marqué. C'est brillant, Des génies à l'état pur. Et on va commencer avec Robin. Robin, quel est le plan ou la séquence du film qui t'a marqué? La séquence qui m'a marqué, c'est la séquence avec le peintre. Pour moi, c'est la meilleure séquence du film. Ça fait partie de toute l'exposition du roi et de comment fonctionne son royaume. Et la séquence du peintre, en fait, il appelle différents peintres. C'était comme un appel d'offres, en fait, d'époque. Différents peintres proposent leur service au royaume et ils doivent donc peindre ou dépeindre un portrait du roi. Le roi a la particularité qu'il louche, mais il ne veut pas l'accepter, comme tout bon dictateur qui ne veut pas accepter ses torts. Et donc le peintre, déjà la façon dont là c'est animé, c'est très drôle, la manière dont il peint le cadre et tout ça. C'est pas extrêmement bien animé, mais... Non, mais il y a beaucoup d'économies, en fait. Oui, il y a beaucoup d'économies, c'est ça. On anime le moins possible, parce que bon, on verra plus tard, mais on n'a pas trop le temps. Et c'est ça. Et il arrive au moment où donc, il doit lui dessiner les yeux, lui peindre les yeux, et donc il a le choix entre est-ce que je lui fais avoir des yeux normaux ou est-ce que je le fais loucher. Et il décide de le faire loucher, quoi, pour rester fidèle à la réalité, ce que le roi n'apprécie pas, mais le roi va arriver... commencer à rigoler avec le... Il y avait aussi un policier dans la salle, ouais, c'est ça ? Il y a le chef de la police. Il y a le chef de la police, ils rigolent ensemble et puis ils vont... et après, bye bye, quoi. Et en fait, il a plein de boutons et de cordes tout le temps à disposition qui ouvrent des trappes n'importe où dans le château qui permettent de tuer ou de se débarrasser de n'importe quoi. Et en fait, juste après cette séquence, enfin juste après ce moment-là, il arrive dans un couloir et donc il fait tomber le peintre dans une trappe et il y a la perruque du peintre qui reste au sol. Et si tu regardes sur le couloir, tout le long du mur, t'as tous les tableaux qui ont été faits par d'autres peintres avant. Et genre, c'est un mur infini. Hein. Le gars, c'est un serial killer. Ouais, oui, et... bah, il a un gros complexe narcissique. Oui, c'est ça. Clairement. Et voilà, moi c'est une séquence qui m'a beaucoup plu de par la musique, de par la mise en scène et de par l'économie d'animation qui rend ce côté comique à la création de la peinture et après qui permet en fait de juste en quoi, quelques plans d'écrire comment ça se passe dans le royaume et de bien faire comprendre que c'est un régime despotique et tyrannique part du roi. Oui, t'as toutes les séquences avant qui te montrent un peu ça aussi avec la séquence de tir et tout. Mais c'est vrai que ça, et ça arrive assez... Les autres sont plus humoristiques, oui. Celle-là est vachement moins drôle quand même. C'est moins drôle. Mais ça arrive vite dans le film en plus. Quoi. Ça arrive, c'est genre en première minute. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'introduction et c'est la mise en place. C'est la fin de l'introduction en fait du personnage. Et c'est là où juste après, on va commencer l'histoire... Et ouais, ça fait une bonne intro. Et c'est la première fois que tu vois quelqu'un se faire jeter à la trappe aussi, je crois, le peintre. Oui. Oui, effectivement. Mais oui, c'est la première fois que tu vois ce ressort scénaristique qui est utilisé. Ouais. Oui, écoutez, c'est une bonne séquence, on va vous en passer un extrait. Le nouveau peintre officiel de Sa Majesté. Comme vous l'entendez dans l'extrait, il n'y a pas beaucoup de dialogue, enfin, il n'y a pas du tout de dialogue, en fait, ça arrive dans plein de scènes du film où il n'y a quasiment que de la musique. Sacha, tu voulais revenir un peu sur le peintre ? Ouais, là, tu parlais du couloir après, dans lequel ouais. Le peintre succombe aux oubliettes. Et c'est marrant, sur le mur dont tu parlais, tous les tableaux qu'il y a, mais aussi tout au long du film, il y a énormément de références artistiques à l'histoire de l'art en général. Je crois qu'un des premiers tableaux que tu vois dans ce couloir, c'est genre un Picasso du oui, mais il y en a plein, même dans sa chambre et tout. Ouais, on va en reparler plus tard, mais pour rebondir sur ce que j'en ai dit au niveau du son, c'est un gros problème pour moi, pour le film. C'est que c'est très vide, en fait, au niveau du son, au niveau de l'habillage sonore, au niveau des dialogues. Et en fait, il y a très peu, déjà, dans les dialogues, il y a très peu de spatialisation du son. Donc, tous les sons et les dialogues sont au même niveau. Et du coup, ben, on n'a pas cette notion de distance ou d'être proche, en fait. Et en fait, ça tue la suspension d'incrédulité. La suspension d'incrédulité, c'est l'opération mentale que le lecteur ou spectateur d'une œuvre de fiction accepte le temps de sa consommation de mettre de côté son scepticisme. En gros, c'est que tu acceptes que malgré ce qui se passe à l'écran, même si c'est pas réaliste, tu l'acceptes parce que ça fait partie du film et ça fait partie d'une œuvre. Voilà. Et exemple, Harry Potter, vous acceptez qu'il y ait de la magie, même si ça n'existe pas. Vous acceptez. T'as pas le droit de dire ça. Ça fasse pas. T'as pas reçu ta lettre ? T'es triste ? Je l'attends. Donc, vous acceptez qu'il y ait de la magie et que ça fait partie de l'univers et que ça existe dans cet univers-là. Voilà, mais voilà, là, on parle d'un film live qui n'a pas le même problème qu'un film d'animation. Quand on fait un film d'animation, comme il n'y a vraiment aucun enregistrement de son et qu'on part vraiment de zéro, on doit redoubler d'efforts justement pour faire croire que nos personnages sont ancrés dans un décor, ancrés dans un univers. Encore une fois, on verra pourquoi il manque pas mal de son, mais y a aussi le fait que le film soit vieux. Oui, c'est ça, bien sûr. Ça aide pas. Et même les bruitages qu'on a, ils sont un peu cheap, quoi. Ils sont vraiment pas. Ouais, et puis ils sont pas synchronisés avec l'image. Je sais pas si l'âge joue vraiment un rôle important. Mais non, parce que ce soit un film muet, parce que si tu prends les mêmes films de la même, les mêmes productions de la même époque. Blanche-Neige qui était déjà sorti. Il y avait beaucoup plus de dialogue. C'est peut-être juste un. Pas avec les mêmes. Pas avec les mêmes moyens. Non, mais même dans les trucs un peu avec moins de moyens, si tu vas en Belgique, les longs métrages de Tintin, il y avait déjà beaucoup plus de travail au niveau du son, de l'environnement et tout ça. Qui était déjà sorti. Sûrement un parti, donc. De faire un film aussi silencieux. Peut-être un parti pris. Bah oui. Bah peut-être juste pour définir que le royaume est vide en fait, parce que personne veut habiter dans le royaume de Tintin. Pas d'argent, c'est pas faux. Quant à moi, le plan qui, enfin, la séquence qui m'a marqué, c'est juste après celle-là en fait. Le roi va se coucher dans ses appartements et il y a sa peinture qui, toutes les peintures en fait de son appartement vont se mettre à s'animer et à prendre vie. Et c'est là qu'on fait la rencontre du berger et de la ramoneur. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? De la bergère. Du berger, ouais. Du berger et de la ramoneur. Waouh! De la ramoneur. Pas mal. Donc, de la bergère et du ramoneur, qui sont à la base, les personnages principaux du film, qui vont s'échapper parce qu'ils sont amoureux, le roi est amoureux de la bergère, et la vieille statue qui dit, mais oui, les rois épousent tout le temps les bergères, c'est écrit. Moi, je l'ai regardé avec des sous-titres espagnols, ce film, me demandait pas pourquoi, et c'est super passionnant, j'étais plus passionné par les sous-titres. Et du coup, en fait, il se passe tout un truc où la bergère, le ramoneur s'échappe. Mmh. Il casse la statue, ça fait un boucan pas possible et ça réveille le roi qui dort, hein, qui a rien entendu de tout ça, qui dormait profondément. Ça la réveille et à ce moment-là, en fait, il y a son double qui lui était tombé dans un autre tableau. Il ressort de l'eau qu'il y a dans le tableau, complètement trempé, complètement hagard, les yeux fous. Et alors lui, il louche pas. C'est ça qui est intéressant, sa peinture ne louche c'est pas. C'est la seule peinture qui ne louche pas. C'est la seule peinture qui ne louche pas, qui est réussie, entre guillemets. Qui a vraiment ce truc de duel entre le roi et son double maléfique, entre guillemets. Sachant que lui est déjà maléfique, mais son double est pire. Mais quand il ressort du tableau, il y a vraiment une référence à un dictateur. La coiffure qu'il a, on dirait Hitler. Ah ouais, on dirait clairement Hitler. Et c'est vraiment cette référence-là qu'il a, et il fait vraiment flipper de ouf. Donc le roi panique, il appelle la police, et son double, en fait, va l'usurper, en fait, juste avant que la police arrive. Il le fait tomber dans une des trappes, justement. Et moi, ça m'a foutu des frictions, parce que ça m'a fait penser à Us de Jordan Peele. Et alors moi, il me hante, ce film, depuis que je l'ai vu. Ah, la rencontre avec le double maléfique, elle est assez efficace. Et je crois que c'est vraiment un des moments qui m'a un peu sorti de la demi-torpeur dans laquelle j'étais en regardant le film, où j'étais là. Eh ben dis donc, c'est pas mal du tout, ça. Mais ça fait peur, là. Ce qui est génial, c'est que la police arrive et qu'il retrouve un roi qui ne louche pas, plus petit. Oui. Et les gars se rendent compte de rien. Aucun problème avec ça, donc voilà. Et d'ailleurs, dans la séquence, quand il appelle la police, le petit restore comique et humoristique, c'est que la police utilise une rampe d'accès d'urgence, comme les pompiers. Mais à l'envers. Et ils rebondissent sur leurs fesses et ça les projette vers le haut, c'est ça. D'ailleurs, c'est vachement bien animé, cette partie-là. Comme quoi, c'est très inégal, en fait. Bah, comme la séquence dont je vous parlais avant, avec le peintre, lorsqu'il sort et qu'il balance la perruque au chien. Alors, il y a un petit chien dans le film qui est super mignon, qui est extrêmement bien animé tout le long du film. Mmh. Et il y a toute une scène où il joue en shootant dans la perruque pour que le chien aille chercher la perruque, avec la cape et tout. Et là, c'est avec extrêmement bien animé, aussi, très fluide, couloir, avec la perspective et tout, à contrario avec d'autres plans. Justement, les séquences d'avant où quand il est en train de peindre, tous les timings sont even, donc tous les timings sont les mêmes. Les images sont. Est-ce qu'on peut expliquer comment le en 2D, parce que là, alors déjà, qu'est-ce qu'on entend, parce que c'est le premier film qu'on fait en 2D traditionnel. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qui veut se lancer dans une définition? Attends, les timings, ça a été défini dans des épisodes précédents, ou on le laisse passer comme non, ça? Non, non, timing, on va le définir, on l'a pas défini. Ouais, d'accord. Bon, le timing, c'est le temps que ça prend pour une action d'aller à un point A, un point B. Allez, c'est le temps qui est entre deux images. Oui, voilà. C'est le temps que tu vas mettre entre deux images. Oui. Donc, mettons qu'un personnage bouge, un bras, j'en sais rien. Et ben, s'il le bouge de A à B en 12 images, par exemple, ça, c'est le timing, 12 images. Ça peut être en 24 images, ça peut être en 5 images, ça peut être en 3 images. Ça, c'est le timing. Ce qui fera un mouvement, du coup, plus ou moins vif. Plus ou moins vif, voilà, plus ou moins rapide. Et ça, après, ça va aussi dépendre du spacing, parce que les deux travaillent les uns dans l'autre. On explique maintenant ce que c'est le spacing. Le spacing, c'est sur la même. Donc, par exemple, si vous avez une balle. Je prends l'exemple de la balle, c'est l'exemple le plus simple en animation. Vous avez une balle qui va d'un point A à un point B, donc dans l'espace, en 12 images. Et vous avez la même balle qui fait le même trajet, la même distance, en même nombre d'images, donc 12 images. Et le spacing, c'est la façon dont elles vont aller de ce point A au point B. Donc, par exemple, il y en a peut-être une qui va aller de façon linéaire, donc qui va pas accélérer, pas ralentir. Il y en a une autre qui va accélérer puis ralentir. On peut aussi le faire démarrer très vite puis ralentir fortement. On peut même imaginer une balle qui dépasse en 10 images son point d'arrivée et qui revient. Ça s'appelle un overshoot. Voilà. C'est ça, l'overshoot. Ça y est, il a compris. Rappelle-moi, quel est ton métier? L'animation traditionnelle en 2D, comment ça se passe, c'est qu'on dessine, en fait, et les poses, on fait des dessins, voilà. En fait. On fait 12 dessins par seconde, donc 12 images par seconde. En général, on peut en faire 24, mais c'est plus rare. Ça coûte plus cher aussi. Ça prend beaucoup plus de temps. Ça tue plus d'animateurs. Et ensuite, on va colorer. On va colorier, en fait, ces dessins qui sont sur papier. Colorier. Avec une peinture, donc la gouache en général. Oui, c'est de la gouache. Mais sur des feuilles de celluloïd, donc des feuilles de plastique transparent. Et en fait, ensuite, on va mettre ces feuilles, donc image par image, sur un décor qui, lui, est fixe. Et donc, pour faire la perspective comme le chien qui part dans le couloir, eh ben, vous prenez ces feuilles de celluloïd, vous animez votre chien là avec le décor n'est pas dessiné en fait sur votre feuille, et le chien va devenir de plus en plus petit vers le point de fuite du truc. Et c'est comme ça qu'on fait. Mais le décor en général, sauf s'il y a besoin d'interaction avec le décor, donc par exemple les trappes, elles sont animées. Mais ça veut dire que le décor est déjà préparé à l'avance avec le trou, et en fait on dessine la trappe par-dessus sur le celluloïd. Et c'est comme ça qu'on fait de l'animation traditionnel. Et c'est comme ça qu'on fait expliquer ce qu'est l'animation traditionnelle au présentateur, alors qu'il nous l'avait demandé. Ah, mais j'avais très envie de le faire, en vérité. Bon. Sacha, c'est quoi le plan qui t'a marqué? Oui, la toute petite scène ou séquence avec la danse du clown. C'est pendant la fuite du ramoneur et de la bergère, et à un moment, le roi s'ennuie et arrive un personnage complètement Loufoque. Aléatoire, loufoque. Complètement random, ouais. Complètement random. Et ce que j'aime beaucoup, il y a deux types de personnages dans le film. Il y a les personnages genre naturels, les humains et les animaux. Et tous ceux qui sont plus animés, les objets, les œuvres, les peintures. Et lui, c'est un des rares objets. Ils sont pas beaucoup, les objets animés. Et c'est un des rares animés qui a aucune présentation, qui arrive comme ça, gratuitement dans le film. Et qui s'en va de la même manière. Et qui s'en va de la même manière. Et il m'a donné une impression de surréalisme, plus que même les, parce que le ramoneur, la bergère, ou même le vieux cavalier qui était une statue dans la chambre du roi, c'est aussi des objets un peu surréalistes qui deviennent vivants. Mais comme ils ont une introduction un peu plus longue, ça fait moins cette sensation de là, le petit clown arrive et on sait pas d'où il sort. C'est un accordéon clown et il a l'air vraiment surréaliste. Il offre un moment de légèreté et de poésie alors qu'il y a des personnages qui sont en pleine cavalcade qui manquent de se faire attraper. Il parle pas, c'est muet, la musique est magnifique. Et très mélancolique. Très mélancolique, alors que la danse est très gracieuse, assez lente et très belle. Et je crois qu'en plus, il y a un beau jeu entre le fait que son corps, c'est un accordéon, donc il se déploie, il se compresse. Il est très coloré et je crois que c'est un de mes... Il n'y a pas de musique d'accordéon. Et il n'y a pas de musique d'accordéon. Ça m'a frustré. J'étais là, mais oui, ça n'a aucun sens. Oui, il se déforme et tout, machin, il t'entend pas d'accordéon. Je pense que la finalité de cette séquence est bien résumée par la parole du policier. Que fait la police pour laisser cet accordéon danser? Ah ouais, alors je ne sais pas quel est le personnage qui arrive à la fin. La scène est très belle. Elle est très poétique. Et il y a une des interventions les plus what the fuck du film, et il y en a pas mal. Le mec est en maréchal, en gradé militaire. Mais que fait la police? Et pouf, trappe. Tu sors d'où, toi? Ouais. Encore une trappe, quoi. On t'a pas vu avant, on t'a pas vu après, tu finis à la trappe. Tu sais, pourquoi? Ça n'a aucun sens. Celui-là vraiment n'a pas trouvé de sens. Ouais, moi j'ai pas trouvé de sens pour ça. Il y a pas mal d'interventions qui ont pas de sens. Hein. Typiquement, le truc de l'accordéon, en me penchant un peu sur les symboliques un peu du film, en faisant des recherches ou quoi, j'ai potentiellement, je ne prétends pas, on en parlera après, à trouver une symbolique à cette scène. Putain, le gars nous fait du teasing en plus. Tu fais du teasing depuis tout à l'heure sur l'histoire du film, qu'on attend toujours. Je sais, vous allez pas être déçus. Eh ben écoutez, la danse du clown, c'est quand même une séquence toute pétée, donc vous allez pouvoir écouter ça. Mais enfin, que fait la police? On devrait la retrouver, cette petite bergère. Et c'est le moment du point spécial à aborder. Alors, René Bulix, c'est quoi que tu nous prépares, là, copain? Et Sacha, c'est toi qui vas commencer, tu vas nous parler de l'oiseau. Oui, je crois que c'est mon personnage préféré dans le film, et j'ai appris pas mal de trucs en travaillant ce podcast. Ce matin. non, il y a une métro. Heure. Dans le métro. Dans le métro, yes. Alors, le professionnel ici à 12 FPS. L'oiseau. Alors, je sais pas dans le cadre de l'écriture du film par rapport au conte, juste dans le cadre de la production du film, je sais que c'est un personnage qui a été inspiré par deux personnes de l'entourage de Prévert et Grimaud, à savoir un acteur qui a été le doubleur dans la Pierre première Brasseur, version du film, voilà, pour sa verve et son énergie, et l'ancien secrétaire de Monsieur Apollinaire, à savoir Jean Mollet, pour son style et sa silhouette, qui c'est une personne très mondaine, et ils se sont inspirés donc de ces deux personnes pour créer genre le personnage. Son style vestimentaire. Son style vestimentaire, sa classe et tout ça. Et au début, ils ont fait énormément de recherches pour trouver à quoi il allait ressembler, son design. Ils sont passés par une hirondelle, ça a été un corbeau après, et ils ont fini par faire un oiseau plus coloré, à savoir un grand toucan. Dans l'idée, puisqu'il ressemble pas vraiment à un toucan non plus. Il ressemble à un toucan qui vit bien, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Un toucan bien vivant. Il est hyper intéressant parce qu'en fait, je trouve que c'est le personnage le plus intéressant du film, mais c'est pas le personnage principal du film. On suit plus le ramoneur et la bergère. Alors qu'en vrai, le vrai antagoniste du vrai méchant qui est le roi, c'est l'oiseau qui arrête pas de l'embêter, de, ouais, on a, de le critiquer. Dès le début, en fait. Dès le début, ouais. La rivalité, entre guillemets, est mise en place. Exactement. Alors, déjà, il a juste le même, déjà même le roi a tué sa femme. Oui. Ce qui est un très bon motif. Ouais, j'avoue, pour ça, ça commence là-dessus. Waouh! Le roi a tué la femme de l'oiseau. Et non, il l'a pas tué. C'était un malencontreux accident de chasse. Ah oui, à mon avis, vu comment il vise, c'était pas volontaire. Hein. Oui, bon, peut-être, mais le fait est que la femme de l'oiseau est mort. Il y a une tombe pas loin du royaume et que l'oiseau, ben, il a une dent, si on peut dire ça, contre le roi. Oui. Non, on peut pas. Enfin, si, je crois. Si, non, bref. Et du coup, c'est le personnage le plus actif contre le roi, mais je trouve que c'est aussi un de ceux qu'on suit le moins, en fait. C'est un aide du ramoneur et de la bergère pendant toute l'escapade, qui prend une partie importante du film. Et après, dans tout le soulèvement contre le roi de la ville basse, il devient plus important. Ouais, c'est un peu leur joker à la bergère. C'est un peu le joker, ouais. C'est le joker direct, parce que... Ah, déjà, moi, ça m'a fatigué aussi dans le film. Et il y a le ramoneur et la bergère, donc, qui prennent vie et qui s'échappent et qui vont à la découverte du monde. Il rencontre l'oiseau et il leur dit « Dès que vous avez besoin de moi, vous appelez l'oiseau !» Ils partent quoi ? 30 secondes ? Oiseau ! Et je fais « Mais attendez !» Ils peuvent rien faire tout seul, c'est pas possible. L'oiseau, il a quitté l'écran il y a 30 secondes. Attendez les gars, vous êtes vraiment à ce point niais ? C'est pas possible. Non mais c'est des assistés. Parce que finalement, oui, c'est l'antagoniste du roi, mais on se base... on suit... la bergère et le ramoneur, parce que c'est eux qui vont à la découverte du monde. Oui, c'est vrai. Mais et l'oiseau va les aider à découvrir le monde, en fait. Cet oiseau qui est le plus actif dans la chute du royaume. Et c'est intéressant de voir comment il est en contradiction totale avec le roi. Genre, le roi parle quasiment pas, l'oiseau fait que de parler. Le roi est hyper distingué, hyper classe dans ses mouvements, très retenu, alors que l'oiseau, il gigote dans tous les sens, il a des grands mouvements d'ailes et il est plus bariolé que le roi qui a des couleurs, mais c'est pas le même genre de couleurs. Je dirais pas que le roi, il est en retenue, il est plus maniéré. Ouais, maniéré. Alors que l'oiseau fait très, beaucoup plus populaire et simple et bon vivant. Et puis, un truc qui est très drôle. Genre, le seul personnage qui remet en question tout le pouvoir du roi et toute l'organisation de la ville, c'est le seul personnage qui peut voler, en fait. C'est le seul personnage qui est complètement libre. Libre. En fait. Et voilà. Oui, et ça, dans les symbolismes, c'est vraiment l'opposition directe au roi. Exactement. Et, autre truc très marrant, c'est il a 4 enfants, 4 petits oisillons, et le seul oisillon qui a l'air d'avoir les mêmes couleurs que le papa, c'est l'oisillon qui fait le plus de conneries, mais aussi l'oisillon qui tente le plus de trucs, qui essaye de découvrir le monde. 4 fois il tombe dans la cage. Fatigué. Oh là là là là. Mais ouais, mais c'est l'oiseau qui tente des choses, qui veut mais... vivre et ouais, découvrir le que monde. Tu te pièges dans une cage. Prends deux secondes et réfléchis. Que tu te pièges dans une cage une fois. Ok. Que tu te pièges dans une cage 2 fois. Okay. 3 fois, je pense que tu commences c'est à moyen. Comprendre. Mais alors 4 fois, oh là là. Mais 4 fois, c'est il demande en fait. Mais il aime les raisins, c'est ta faute. Et donc, t'as quelque chose d'autre à rajouter ? Et c'est aussi lui, ce petit oiseau-là, donc, qui sera libéré par le robot. Oui, exactement. Il y a un robot dans ce film. Oui, on va y venir, Voilà. Et du coup, autre anecdote. Donc, il y a eu une première version, tu vas nous en parler, Jean, j'imagine. Et le problème, c'est que le doubleur initial, donc Pierre Brasseur, qui faisait le personnage de l'oiseau qui l'avait inspiré, est décédé entre-temps. En 1961. Et il a fallu trouver un nouveau doubleur pour l'oiseau. Et ça a été très compliqué de trouver quelqu'un qui avait autant de verve et d'énergie. Et j'ai son nom, mais j'ai pas ma note sous le nez, mais je vais vous le donner dans 2 secondes. Et on a trouvé. C'est Renaud Marx ou Jean-Martin. Jean-Martin, bah c'est voilà. Le premier alors. C'est Jean-Martin qui est devenu le nouveau doubleur de l'oiseau. Oui, monsieur, oui. Et j'ajouterais même que vous êtes un vilain coco. Un vilain coco. Robin. Oui. Tu veux nous parler de symbolisme? Alors ouais, accrochez-vous. Je vais essayer de le faire dans le thème du film, c'est-à-dire prison d'été. Bah, c'est vrai que ce serait mieux. Ouais. Prison d'été, prison d'hiver, prison nocturne, prison de jour. Ça c'est une référence au roi qui monte l'ascenseur et qui décrit les différentes étapes de son royaume. Donc c'est drôle. Non, le film est blindé à ras-bord. Ça déborde de symbolisme dans tous les sens. Pour une seule et bonne raison, c'est que Grimaud. Donc l'animateur et réalisateur du film avec Prévert ne voulait pas avoir un film trop linéaire et trop didactique, à contrario avec Disney. dont il exècre tout son travail. Hein. Il va vraiment tout faire pour aller contre ce que Disney a fait. Du coup, du symbolisme, il y en a vraiment à toutes les échelles. Déjà, ben, sachant, peut-être on en parlera un petit peu plus tard après, sur juste les œuvres d'art qu'il y a dans tout le royaume. Ah ouais. Il y en a un paquet. Donc, moi, j'ai pas toutes les références d'histoire de l'art pour tout comprendre. Mais il y en a vraiment un paquet avec Picasso, toutes les architectures, les sculptures qui font extrêmement penser à Napoléon. Les architectures aussi. Oui, les architectures aussi, toutes les sculptures qui font penser extrêmement à Napoléon, le franquisme. T'as beaucoup de trucs qui sont très proches des grandes dictatures du Moyen-Orient ou des dictatures de l'URSS à l'époque. C'est un film aussi qui est encore sous le joug de. C'est un film qui sort de la guerre. Donc, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a aussi tout un contexte géopolitique très pesant dans le film. Et donc, il y a quelques trucs qui sont... ça, c'est juste pour juste l'univers dans lequel on évolue. C'est blindé à ras-bord pour chaque image, chaque dessin, chaque couleur de référence à l'histoire de l'art. Maintenant, plus dans l'animation et plus dans la façon dont les personnages bougent. Déjà, comme on le disait, le roi, c'est le symbole de l'oppression et de la tyrannie. Et l'oiseau, c'est le symbole de la liberté et l'expression du voyage qui incite la bergère et le ramoneur à aller à la découverte du monde et tout ça. Et donc, c'est vraiment un film qui parle de la lutte contre la dictature, la lutte contre l'oppression. Et ça, c'est au sortir de la guerre. Donc, c'est vraiment un truc qui leur colle encore à la peau avec ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça prouve aussi à la fin, donc vu la réaction en chaîne qui se passe à la fin, et donc l'effondrement du royaume sur lui-même et son affaissement, que et ben le seul pardon et la fuite des gens j'avais et la fuite ça, des y a, gens y a des plans sur la que fuite des gens. Que le seul résultat des régimes totalitaires en fait c'est la destruction de leur entreprise et c'est vraiment à chaque fois une mise en abîme de ce qui s'est toujours passé quand les gens ils ont voulu essayer d'avoir un pouvoir dictatorial sur un peuple. Des trucs un peu plus drôles, un peu plus parsemés dans le film, il y a un moment donc au début du film, il y a une séquence où en fait le roi prend un ascenseur et on découvre tous ses quartiers à travers le royaume. Et en fait, juste déjà cette séquence de l'ascenseur, en fait, ça montre juste la dureté du régime parce qu'il y a un département pour absolument chaque chose, avec une, comme je disais, prison d'été, prison d'hiver, prison de printemps, prison automne-hiver. De la guerre. Il y a un ministère de la guerre et ainsi de suite. Et à un moment, il s'arrête à un endroit, l'ascenseur il ralentit, le roi dit « moi je vais pas m'arrêter là » et l'ascenseur reprend. Et donc il y a une accélération dans l'ascenseur et la couronne du roi tombe en fait sur sa tête, ça veut dire elle reste pas sur sa tête. Et donc là moi j'y ai vu un symbole qu'en fait il est juste pas de taille à porter le pouvoir en fait. À un moment il y a son trône qui se transforme en voiture télécommandée. En voiture, oui, en auto tamponneuse, voilà. Oui. Symbole que, en fait, il joue avec son pouvoir. Oui, en fait, il joue avec le royaume. Il y a aussi le côté dans l'ascenseur. Là, donc l'ascenseur, il monte en ligne droite tout le temps avec une espèce de tige en dessous. Et à un moment, il doit changer de ligne en fait verticale. Il y a une espèce de bras mécanique qui l'attrape et qui le repose sur une autre ligne. Et ça se fait de façon hyper fluide en fait, comme si rien ne devait perturber le roi en fait. Oui, c'est rien ça. Ne doit c'est le perturber dans son assise, dans son pouvoir. Donc tout le royaume est en fait à son service, même la moindre mécanique lui, en fait. C'est ça, et ça s'écroule après avec voilà. La statue de marbre justement dont tu parlais lorsque le roi rencontre son double et qui sort du le vieux cavalier là. Le vieux cavalier. Ouais. Ben ça pour moi c'est vraiment un attachement aux traditions, un symbolisme de l'attachement aux traditions puisqu'il mais c'est dit, un guerrier en plus. C'est un guerrier. Ça typiquement c'est une sculpture qui fait grandement penser aux sculptures de Napoléon ou aux peintures avec Napoléon. Et l'oisillon pris en piège dont on a parlé plus tôt là qui se fait bloquer 4 fois, c'est pour moi une symbolique de des enfants en fait qui sont toujours les premières victimes dans ce genre de régime en fait. Après j'ai trouvé sur internet en baladant que Grimaud sur le film à sa sortie avait dit je suis content d'avoir fait le roi et l'oiseau parce que ce qu'il raconte est salutaire pour tout le monde et le sera encore pendant des années. Ce n'est pas un film à message mais il parle de la façon dont le monde vit depuis un temps et où il a l'air de s'engager de plus en plus. Il avait une très bonne vision du futur et tout ça. Après, l'univers, donc c'est un royaume qui est extrêmement labyrinthique. Et donc, en fait, comme on disait, donc il y a 2 villes. Il y a le royaume qui est au-dessus, en l'air, et il y a la ville basse. Et donc, le royaume, le château, écrase la ville basse. Et là, il y a vraiment un contraste graphique au niveau des 2 personnages et au niveau donc, des 2 villes. Graphiquement, tous les personnages qui sont dans la ville basse, déjà, ils ne voient pas le jour. Ils sont enterrés sous le château. Et graphiquement, tous les persos, ils se rapprochent de l'oiseau. Ils ont des grands bras, ils sont élancés, ils sont minces. Et donc, en fait, ils sont vraiment ouverts à la liberté. Et tous les persos de la haute société, ils sont petits, bedonnants, et eux, ils sont au sommet de l'univers, en fait. Et donc, c'est vraiment ce contraste-là dans les designs des personnages de la haute société et de la basse société. d'autres trucs aussi qui là vraiment là ça c'est vraiment Grimaud qui je pense essaie de se mettre face à Disney parce qu'il y a une petite histoire aussi que tu nous raconteras peut-être après de la création du film avec ce qui s'est passé ouais, ouais, ouais. Ce tease de ton point on n'arrête pas d'y revenir c'est super intéressant mais en gros oui donc il y a eu une petite histoire avec Disney oui. Qu'on vous racontera juste après et en fait le film il est tout le temps dans une verticalité. Soit les persos ils sont tout le temps en train de monter, soit ils sont tout le temps en train de descendre, et c'est jamais horizontal. Ah ouais. Et en fait, dans les Disney, dans Blanche-Neige à l'époque, ou Pinocchio, c'est toujours à plat. Et du coup, en fait, il va vraiment Grimaud aller contre ce truc-là, en mettant toujours des persos qui sont... Ils sont tout le temps en train de courir, en train de descendre, toujours les ascenseurs qui montent, des ascenseurs qui... Il y a toujours ce truc-là. Enfin, moi, je l'ai ressenti. Il n'y a pas la progression classique occidentale, gauche vers la droite, en fait. C'est ça. Quand tu racontes une histoire, en gros, pour que faire comprendre que tes persos avancent à l'image, tu les fais aller dans le sens de la lecture, donc de la gauche vers la droite. Parce que en Occident, c'est ce qu'on considère comme étant la progression, c'est le sens dans lequel on lit. Si tu fais une flèche qui représente le temps, c'est dans ce sens qu'elle va avancer. Et du coup, en fait, en faisant ça et en mettant toujours cette verticalité l'une en face de l'autre, avec les montées et les descentes, Grimaud, il arrive à mettre en exergue la différence de la haute société et de la basse société. Et un dernier point aussi sur l'animation. Donc, dans la séquence où la bergère et le ramoneur prennent vie. En fait, déjà, il va juste en quelques secondes expliquer comment ça fonctionne un film d'animation, puisque on part de personnages dessinés, statiques, qui s'animent dans un cadre 2D. Donc, c'est les premières étapes de l'animation. Et après, ils sortent de leur cadre pour s'ancrer dans le monde en 3D, dans en 3 décor, dimensions. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ça, c'est vraiment Grimaud. Et ça, c'est vraiment. Il est fort, hein. Ça, c'est vraiment Grimaud. Ouais, j'ai potassé. Et ça, c'est vraiment Grimaud. Qui lui, dans sa façon de vouloir et de voir l'animation et de voir le film, il adore et il veut toujours ancrer ses personnages dans l'espace. Et ça, c'est très important pour lui jusqu'à son dernier film. Et voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est vrai qu'il joue énormément avec les avant-plans et les arrière-plans. Les personnages progressent beaucoup dans le décor. Je viens d'y repenser, mais comparé aux films de la même époque de Disney ou d'autres, les personnages sont pas toujours au premier plan, centrés dans l'action. Il y a souvent des progressions de l'arrière vers l'avant et ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Mais ça joue énormément avec la perspective. Il y a vraiment cette idée de décor grandiose qu'on peut revoir plus, dans ouais. D'autres films d'animation assez français. Miyazaki reprend un peu ça aussi. Alors, même oui, s'il joue plus sur la différence entre huis clos et grands espaces. Et du coup, donc pour rebondir sur la petite scène dont tu nous as parlé avec le clown, moi, la symbolique que j'ai vue là-dedans, et je pense que c'est un peu poussé, et encore une fois, c'est face à Disney. En fait, le clown, quand il arrive, déjà, on est face à un roi qui est ennuyé et le roi demande à être diverti. Je pense que c'est ça. Et le clown arrive et il fait de son mieux. Il fait une danse et tout ça, mais le roi s'ennuie et ça ne l'intéresse pas. Ouais. Et en fait, ça, je pense que et c'est... Et là, je me suis identifié au roi. Vraiment. Le roi Jean. Et en fait, je pense que c'est vraiment une complainte de ce qui s'est passé avec Disney. Donc, la petite histoire, en fait, c'est qu'à l'époque, le producteur a demandé à Disney, qui avait sorti donc déjà Blanche-Neige et Pinocchio, de venir être producteur pour en gros, c'est André publier le film sur le sol US. Ouais, c'est ça. André Saru, donc qui était le producteur à qui Grimaud a travaillé, il voulait que, ils avaient les moyens à l'époque parce que ça sortait un peu de la guerre et ils avaient les moyens de potentiellement distribuer le film aux États-Unis. Et en fait, du coup, quand tu distribues un film aux États-Unis à cette époque-là, t'as pas le choix. Même maintenant, t'as pas trop le choix, tu passes par Disney, c'était les seuls. C'est et, ça. Et ils sont pas mis d'accord, en fait. C'est qu'en fait, Disney, il a demandé, oui, mais attends, là, il faudrait plus des blagues. Et il y a en fait, surtout... il voulait faire un film plus pour enfants, plus de divertissement, puisque c'était ce que Disney faisait. Alors, ce que Disney faisait en partie, c'est-à-dire que je pense qu'aussi Grimaud comprenait pas ce que Disney faisait parce qu'il avait pas cette culture qu'ils ont. Et il avait pas la double lecture qu'on peut avoir. Peut-être pas dans les films à l'époque, mais qu'il y a plus maintenant. Oui. Et donc, il avait demandé, en gros, plus de blagues et surtout d'avoir des images moins choquantes sur le despotisme et la tyrannie. Et Grimaud, il a fait, mais moi, je refuse parce que c'est pas ça. Déjà, c'est pas ma façon de concevoir les films. La façon que Grimaud, il a de voir un film, c'est de pas faire un film d'animation, mais c'est de faire un film. Il voulait pas mettre de reptiles. Il voulait pas mettre d'images de dictateurs violentes, alors qu'on sortait de la Seconde Guerre mondiale, hein, quand même. Donc, les gens avaient eu leur dose avec de violence et d'horreur. Et, tout, ouais. et je sais plus exactement quelle est la citation exacte de Grimaud, mais qui disait que on devrait pas, on devrait pas censurer le monde dans lequel on vit juste pour que ça plaise aux gens, en fait. C'est ça. On devrait leur montrer la vérité parce que de toute façon, la vérité, ils la connaissent. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment, il a vraiment tenu ses positions avec ça. Et grand respect à lui, hein. Et les derniers trucs, c'est à un moment, il y a la police qui s'envole. la police qui vole tout à coup et ils ont des capes. Moi, ça m'a extrêmement fait penser à Batman. Batman! C'est carrément et ça. Batman, c'était en 1939, le personnage. Alors, je sais pas sûr qu'ils avaient la, ouais. Je suis pas sûr qu'ils avaient la référence ou que ça a été distribué en France déjà à l'époque. C'est une bonne question parce que, donc le film, on l'a dit, il est sorti en 80, mais la production a commencé, on verra, beaucoup plus tôt, en 36, en fait. Mais c'est possible que ces chauves-souris-là fassent partie de la nouvelle version et qu'il y ait une espèce d'inspiration Batman. Ça m'étonnerait, mais c'est possible. Et les policiers, donc il y a les policiers, le chef de la police et tout ça, mais les policiers de la ville basse, eux, ils ont les mêmes costumes, enfin, ils ont des costumes qui sont les costumes qu'avaient, pas des costumes, mais qui sont les habits qu'avaient les soldats allemands avec les casques à pointe. Sauf que la pointe, elle est remplacée par une petite sphère, mais c'est exactement les mêmes habits avec le casque et tout ça. Oh, joli. J'avais pas fait gaffe non plus, tiens. Et le dernier truc, c'est quand on parlait de la fosse au lion, là, c'est ma compagne qui m'a fait remarquer ça. Ça fait partie du mythe de Daniel dans la fosse au lion, qui vient de la Bible, où en fait, pour être pas, en étant puni, en fait, il l'envoie dans la fosse à deux reprises, et à chaque fois, il ressort indemne. Parce que il a réussi à monter les lions. Il a baratiné les lions comme l'oiseau. Mmh. Voilà. Bah, finalement, oui, le baratin de l'oiseau, il dure une plombe. Ouais. Juste pour dire, les gars, vous êtes des lions, remuez-vous, quoi. Non, mais en vrai, c'est bien parce qu'il les met en, il leur met le truc en scène et il leur fait, mais non, vous êtes des opprimés. Et alors, c'est la faute du roi si vous avez pas pu manger tout ce temps-là. Et les moutons qui se sont enfuis. Parce que là, je suis en train de perdre mes arguments. Et vous êtes des lions. Mangez, voilà. Mais enfin, pas mon voilà, copain. Voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur le symbolisme. Je sais pas s'il y a des trucs que vous aviez vu. Je viens d'en avoir une qui vient de popper, mais le royaume, tu le vois une ou deux fois de loin, et c'est car, enfin, je suis en train de me dire la tour de Babel. En fait, c'est une grande tour qui s'élève vers le ciel et qui se fait se détruire. Un peu stylé. Personne n'arrive à se comprendre, personne n'arrive à se parler. Et là, c'est un peu illustré par la censure. Personne n'a le droit de parler dans ce royaume. Je sais pas si on peut pousser ça très loin. J'aime bien le personnage de l'aveugle qui joue de la musique. Là. Un des meilleurs personnages. C'est un personnage qui est dans la ville basse. Il est aveugle. Mais c'est le seul qui est plein d'espoir. C'est ça. Est-ce qu'il est pas un peu aveugle d'avoir, tu vois, il voit pas la vérité en face, ou alors est-ce que justement. Aveuglé par son espoir. C'est ça. Oui. Oh, c'est parce qu'il est depuis trop longtemps dans la ville basse, de toute façon. Je pense qu'il se rend pas compte d'où est-ce qu'il est, puisque pour lui, il verra même pas la différence qu'il soit dehors ou dedans. Donc, Oui, c'est ça, il demande à l'oiseau. Vous êtes un oiseau? Mais vous volez? Et l'oiseau fait, bien sûr que je vole, je suis un oiseau. Il est pas mal ce personnage. Voilà un peu du coup le tour que j'ai fait pour le symbolisme. Je dis pas que tout ce que j'ai dit c'était officiel et que c'était exactement ce que l'auteur voulait interpréter. Oui, mais ce sont des interprétations. Des recherches, via mon ressenti et tout ça, ce que j'en ai déduit. Et oui, je pense que t'as raison parce qu'il y a une portée philosophique dans ce film. Et puis, tu trouves un peu ce que tu veux y trouver aussi. Bon, et je vais vous parler de la production du film. Parce que le teasing la est terminé. Enfin, c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant avec ce film, moi, j'ai pas trouvé le film très intéressant. En revanche, la façon dont il a été fabriqué, produit et toute l'histoire qu'il y a autour de ce film est assez intéressante. Donc, l'histoire commence en 1936. À ce moment-là, Paul Grimaud et son meilleur ami André Saru décident de monter une société de production qui s'appelle Les Gémeaux pour pouvoir faire du film d'animation. D'accord. Donc Grimaud fait beaucoup de films d'animation, il fait beaucoup de courts-métrages, et Saru, c'est le producteur, c'est vraiment lui qui dirige la compagnie. Donc l'idée de Grimaud, tu l'as dit Robin, c'est de s'éloigner de Disney en fait, puisque à l'époque la seule référence, et ceux qui commencent à se faire connaître, donc Blanche-Neige sortira en 1937, mais on sait déjà que Disney devient un truc impressionnant, c'est Disney, et lui il veut s'éloigner de ça, s'éloigner du film divertissant pour enfants et proposer des films pour tous les publics avec des réflexions, des allégories et donc une portée philosophique comme on l'a vu. J'ai un prof de cinématographie qui nous disait juste vite fait qu'on pouvait différencier ces deux cinémas d'animation par la volonté du mouvement divertissant en Amérique et la volonté du sens profond en Europe. C'est exactement ça. Et du coup, en fait, c'est deux styles, et ça marche aussi partout, mais en animation qui sont influencés puisqu'il y a des films plus tard en Europe qui ont été plus divertissants, et inversement, les films, notamment Disney et Pixar, ont gagné des sous-couches de sens, en fait, au fur et à mesure, donc ont été influencés par les films qui ont été faits en Europe. En 1945, on a la première idée du Roi et l'Oiseau. Donc le film est sorti en 1980, je vous le rappelle. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a été long. Est-ce que c'est pas le plus long film d'animation à avoir été réalisé? On va en revenir là-dessus, et oui, effectivement, en Europe en tout cas. ce serait le plus long. On ne sait pas parce qu'il y a peut-être des infos qu'on n'a pas sur d'autres films ailleurs, mais en Europe, ce serait le plus long. Et donc, première idée du Roald Aso, donc ils veulent adapter le roman d'Andersen, qui s'appelle La Bergère et le Ramoneur. Alors, petite anecdote, c'est drôle, ils ont hésité à adapter La Reine des Neiges, qui est aussi un roman d'Andersen. C'est dommage, hein. Bah, ça n'aurait pas marché. Non, bah non. On sait bien que ça marche pas. Surtout pas avec d'aussi bonnes chansons, non, jamais. Imagine le gars dans sa tombe. Merde. Vous n'êtes qu'un vilain coco. Ouais, ça va, l'oiseau. La prochaine fois, on fait La Reine des Neiges. Donc, du coup, les Gémeaux, ils veulent, donc la société de production, veulent faire le premier, ce qui serait à l'époque le premier long métrage d'animation français. Il n'y en a pas. Ils veulent l'hégémonie. Pas. Exactement. Putain, pas mal. Oh là là. Propre. Donc, à cette époque-là, donc au moment où il commence en 36, la seule référence c'est Blanche-Neige. Donc après il y a Pinocchio, Fantasia qui sortent avant la guerre. Et pendant la guerre, Disney fait quasiment rien. C'est-à-dire qu'ils font des beaucoup de courts-métrages de propagande. Ils font du court-métrage de propagande, du moyen-métrage de propagande. Et à ce moment-là, au début ça se passe bien, bonne ambiance. Ils ont beaucoup de budget. Ils ont 1,7 million de francs à l'époque, ce qui est pas mal. Wow. Je sais pas à quoi ça correspond, mais ouais. Non. Bah alors si t'enlèves l'inflation et tout, c'est beaucoup. En 1900. Ça, il sort des mots comme inflation. Et... Oh là là. On l'arrête plus. C'est un podcast sérieux. Excusez-moi. Moi, j'ai fait mes recherches. Je suis allé sur Wikipédia. Voilà. En 49, on arrive à une centaine d'animateurs dans l'équipe. Donc, ouais. C'est monstrueux. C'est beaucoup, ouais. Pour la c'est France, ouais, beaucoup. Alors, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, c'est beaucoup. Énorme. C'est énorme. C'est pas faux. Mais, à titre d'exemple. Une team d'animateurs maintenant sur des films comme lesquels on a travaillé, c'est 60 personnes. Ouais, 60 personnes, 60 c'est animateurs. Déjà une grosse équipe. C'est déjà une grosse équipe. Ouais. C'est déjà une très grosse équipe. Donc le film qui est prévu est très long, d'accord ? Il prévoit vraiment quelque chose d'assez long. Mais donc, il est long. Long. Il fait pas 2h30 ? Alors long pour l'époque, ça voulait dire 1h30. Hein. Ah oui, c'est vrai, il fait voilà. Que 1h24. Et surtout, la production est prévue d'être longue. Mais on a de l'argent jusqu'au moment où on n'en est plus. Donc en fait, le budget a été sous-estimé. Ils se rendent compte de ça au moment de faire le découpage. Et en plus Grimaud a des exigences, Prévert a des exigences. Donc vous voyez ce que c'est dans les prods, les réalisateurs qui oui, bien sûr, oui. des retours, et ben c'est exactement ça. Sauf que là, en fait, la prod dit ben ça suffit. Donc Grimaud est évincé du projet par son meilleur ami, André Saru, donc le producteur. Oh merde. Drama de ouf. Ah ouais. Donc le film se finit sans Prévert. Qui part avec Grimaud. Donc, pas Grimaud, pas Prévert. Ah ouais. La moitié de l'équipe d'animation se barre avec eux. Et André Saru, donc le producteur, finit le film avec ce qui reste. Le film se plante magistralement. Bien sûr. Et la société fait faillite. Donc, le film qui s'appelle. La Bergère et le Ramoneur et voilà. Qui sort en 1953. Voilà. Et qui obtient un prix. D'accord ? À ce moment-là. Anecdote, le film est vu par deux Japonais qui sont Hayao Miyazaki et. Isao Takahata, merci. Alors, Miyazaki, je pense que tout le monde sait qui c'est. Pas sûr. Takahata, bien, ce sont les deux fondateurs du studio Ghibli. Et Ghibli? Ghibli ou Ghibli? Je ne sais jamais comment on dit. Mais c'est eux, c'est un les. Gif ou un gif. C'est toujours eux qui le. Ah, alors, c'est toujours eux qui le dirigent. Mais c'est Takahata, reste, je ne sais pas si c'est eux qui le revendiquent non, toujours. Takahata n'est plus des nôtres. Alors, si vous ne savez pas qui c'est Takahata, allez chercher ses films. Tous les films de Ghibli où c'est pas Miyazaki, en général, c'est lui. C'est ça. Mais en fait, c'est vraiment eux qui revendiquent que sans ce film-là, Ghibli n'aurait pas existé. En fait, c'est vraiment. Et je sais qu'ils ont copié, genre pour apprendre image par image ces films et tout ça pour réussir à comprendre et tout. Puis après, ben voilà. Oui, Miyazaki, oui. Alors, ils ont mis du temps à faire le studio puisque le premier film c'est Le Château dans le ciel est sorti en 86. Ouais, mais ça les a fortement inspirés. Bien et sûr. C'est ce qui les a motivés. À l'époque aussi, il n'y avait pas autant de choses partout dans le monde et surtout la communication entre pays. C'était pas comme maintenant grâce à Internet. Hein. Ah non, ils sont allés dans un. Ils se sont démerdés pour aller dans un festival en France, probablement par leurs propres moyens. Et voilà. Donc là, on est en 53. La boîte fait faillite. Le film fait pas l'unanimité. Les gens le trouvent sympa, sans plus, c'est bof. Voilà. En 67, Grimaud rachète les négatifs. Et rachète donc les droits qui ont expiré parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc, il n'y a plus personne pour, de toute façon, défendre les droits, quoi que ce soit. Il rachète donc les négatifs et il essaie de voir ce qu'il peut faire de ça. Et il se rend compte que la majorité des dessins, donc des dessins d'animation, tous les cellulos et les décors ont disparu. Et ont été, a priori, soit vendus, soit détruits, soit perdus. What? On ne sait pas trop. On raconte que l'enquête a toujours lieu. Donc, il cherche du financement pour réanimer le projet et faire ce que lui voulait. Et c'est très compliqué parce qu'on lui dit que on s'en fout mec, tout le monde l'a vu, ton film c'est nul. Mais vraiment, c'est ce qu'on lui dit. C'est pas possible. Et il finit, il galère. Il dira plus tard, Tout le monde me dit que j'ai mis 35 ans à faire ce film. C'est faux, j'ai mis 5 ans à le réaliser et 30 ans à trouver le fric. Ok, excellent résumé. Donc, il se démerde pour avoir un financement du CNC. Il rencontre un producteur dont j'ai perdu le nom, Richard. Alors, le CNC, c'était déjà là à l'époque? Ouais. J'ai entendu dire que les États-Unis... C'est dans les années 70. Okay. Est-ce que le CNC, tu peux définir un peu ce que c'est pour les gens? Le CNC, c'est le Centre National du Cinéma. Alors maintenant, ça s'appelle maintenant, ça s'appelle le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Et donc, c'est l'organisme national qui, en France, finance les projets de films et d'animation, etc. Donc, tout ce qui a trait, en fait, au visuel, à l'audiovisuel. Voilà, ça, qui aide au financement, ouais. Voilà, dès que tu veux faire un film entièrement, en France, ils vont donner une contribution. Ouais, tu fais un dossier au CNC, en fait. En général, ce qui se passe, tu fais d'abord des courts-métrages. Ils vont pas te financer un long métrage comme ça. Mais Grimaud, ayant fait énormément de courts-métrages, il était connu. Il y a une règle, genre, une des règles principales, c'est qu'il faut que ce soit en langue française. Oui, voilà, il faut que ce soit en langue française. Et donc, il est financé, donc, par un autre producteur dont j'ai perdu le nom et par Antenne 2. D'accord. Donc, et l'autre producteur a une société, les films. Du plat pays. Non. Les films du plat pays. Les films Corona, c'est ça. En vrai. Ah ben désolé. Ouais, je sais, quand je l'ai écrit, j'ai pas pu ne pas y penser. Donc les films Corona, hein, des films qui marchent très très bien, ça se répand très vite. Et Antenne 2 qui finance Antenne 2, donc France 2, hein. Et ça s'appelait Antenne 2 à l'époque. C'est bon, tu vas t'en remettre. En 76, je vous jure, c'est bientôt fini. En 76, Prévert et Grimaud, ils commencent à réécrire le scénario. En fait, ils ont fait plein de trucs à côté. Grimaud a fait des courts-métrages, bah il faut manger quoi. Oui. Prévert, c'est Prévert, il fait ses trucs quoi. Bah il a fait ses poèmes. Bah il fait ce qui, oui, c'est beau. Il fait des poèmes, il fait des paroles. Donc en 76 il commence le scénario. En 77 Prévert meurt, il est malade. Et Grimaud lui jure de finir le film. C'est beau. Ils étaient très amis. Ils doivent trouver des nouveaux doubleurs plus jeunes parce que par exemple la personne qui doublait le Ramoneur dans la version originale c'est Serge Reggiani. Serge Reggiani alors en 1953 oui ça va. Il est jeune, 20 ans après, ouais. Voilà. Plus que ça, 30 ans après, c'est plus compliqué. Donc, quelques paquets de clopes aussi. Sa voix est plus du tout la même, donc ils doivent retrouver des doubleurs. Et du coup, en fait, ils trouvent des doubleurs. Ils en gardent un, je crois. Et je sais plus, je crois que c'est le doubleur de l'aveugle. Je crois que c'est Renaud Marx, ou un autre comme ça, qui a gardé, en fait, Grimaud a trouvé que sa voix était devenue plus intéressante, donc ils l'ont gardé. Mais en fait, les jeunes doubleurs doivent refaire toutes les interprétations, quasiment avec les mêmes intonations. Parce qu'ils veulent garder l'idée originale. Il va récupérer des anciens morceaux du film, les réanimer, refaire du son, etc. et faire une grosse partie du film complètement nouvelle. Donc sur les 85 minutes du film, il y a 40 minutes de l'ancien film et 45 minutes complètement nouvelles. Ah ouais, quand même. C'est vraiment 50-50. On peut noter qu'il y a Pierre Prévert, donc le frère de Jacques Prévert, qui continue à travailler sur le film et qui notamment c'est lui qui va s'occuper de faire le casting et de trouver les doubleurs et de s'assurer que ça respecte l'original. En 79, le film est prêt. Il sort en festival, il sortira en 80 au cinéma. Et donc, il est dédié à Jacques Prévert. Et intéressant de savoir que le film a failli être perdu. Parce que la pellicule était mal conservée, avait été détruite et a été restaurée, en fait, entre 2001 et 2003. Ça a pris 2 ans, un travail de Studio Canal, d'ailleurs. Mais restaurée 2 fois, hein. Il y a 2 restaurations. Elle a été restaurée une première fois pour sauver la pellicule, donc par des photochimiques. Donc, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Des procédés photochimiques. Des procédés photochimiques. Oui. Ok. C'est bon. Mais c'est comme ça que ça l'annonce avant que tu regardes le film quand vous la regardez. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Mais alors, je sais pas comment ils font. Ils doivent avoir des techniques incroyables. Avec donc, de la photo et de la chimie, sûrement. Exactement. Avec beaucoup de produits. Ils ont réussi à sauver la pellicule et, en fait, à faire une version numérique. Et en 2013, il y a une version HD, en fait, haute définition, qui a été refaite à partir de ça. C'est celle-là que j'ai regardée, moi. C'est ça. C'est celle-là que j'ai pas vue, moi. Moi, j'ai vu la version de 2003. Ouais. Bah, elle est en HD, mais elle est toujours en 4 tiers. Hein. Ah oui. Moi, j'avais pas la version HD, hein. C'était pas HD avec des sous-titres espagnols, on a bien compris. Donc, en fait, si on réfléchit bien, entre 1936 et 2013, ce film a eu durée de vie. Il y a eu encore du travail jusqu'en 2013, c'est énorme. Ça fait quoi? Ça fait 90 ans? 60, ouais, un peu moins. 60, on est nul en maths, c'est une catastrophe. Et ouais! 77 ans. Ah ouais, quand même. Bah non, mais c'est vraiment, c'est... Non, 87 ans. Oui. 87. Oui. Putain la vache. Je suis bon en maths, faut le croire. Ok. C'est vraiment que on lui voue un amour à ce film parce qu'on en a besoin. Il est important dans l'histoire de la France. Les gens, en fait, c'est un film historiquement qui est très important, effectivement, parce qu'il a inspiré énormément de choses. C'est un peu un incontournable de l'animation. Je suis d'accord. C'est un incontournable. Tu vois, moi, le revoir, ça m'a fait chier parce que c'est compliqué à voir, mais c'est quand même quelque chose à voir. Il a vieilli. Mais quand tu veux être animateur ou que tu veux travailler dans l'animation, t'es obligé de le voir, en fait. Regarde-le, oui, ouais. Bien sûr. C'est comme t'as pas vu Akira. Bon. C'est compliqué, ouais. T'as pas vu Merlin l'Enchanteur. T'as pas vu Bernard Lévy. C'est chaud, hein, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Le point des œuvres d'art. Ah oui, vas-y, oui. Il y en a énormément dans tout le film. Et en plus, il y a toutes les peintures du roi des parodies de grandes peintures dans lesquelles on a incorporé la figure du roi. Dans tous les décors, l'architecture aussi. Il y a plein de petits clins d'œil beaucoup plus subtils, genre la dernière pose du robot, du géant dont personne n'a parlé, c'est le penseur de Rodin. Toute la ville basse, genre des clins d'œil incroyables à tout l'expressionnisme allemand, ce courant du cinéma avec des formes géométriques noires et blancs intenses. D'ailleurs, il y a des personnages qui me faisaient flipper et qui m'ont encore mis mal à l'aise maintenant. Ouais, les policiers mal à l'aise, là, cachés sous l'escalier là. Oh là là. J'étais pas effrayant. Bien. Effrayant. Alors en plus, ça n'a aucun sens. Il est caché derrière eux. Il les laisse passer. D'accord. Non, il sert à rien. C'est pareil, il y en a plein qui les voient passer, qui les arrêtent pas. C'est des espions. Et au moment où ils se font arrêter, tu comprends rien. Parce que ils sont là, puis paf, ils sont en prison. Oui. Ok. Oui. Il y a ça. C'est comme ça, monsieur. Il y a beaucoup de références dans tous les décors et l'architecture. Moi, ça m'avait énormément fait penser à toutes les premières œuvres de la Renaissance qui travaillaient l'architecture ou toutes les représentations un peu plus moyenâgeuses. Il y a beaucoup d'inspiration avec des grands décors assez vides. Ouais. Et qui sont soutenus par le son, finalement. Oui. Et après, le mariage entre le roi et la bergère, on dirait toutes les peintures de sacrement, de roi. Mais alors, il y a un côté Louis XIV. Il y a énormément de références artistiques. C'est extrêmement flippant. La bergère, alors là, clairement, c'est pas une référence, hein, mais lorsqu'elle est dans sa robe de mariée, le maquillage et tout. La taille, t'as vu la taille de sa taille, justement. Oui, oui. Mais on dirait Frodon lorsqu'il s'est fait piquer par l'araignée. Son visage, elle a un teint tout pâle. Ils ont tout pompé sur Peter Jackson. Ouais, c'est vraiment scandaleux, ça. Franchement, c'est un scandale. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et même le prêtre qui les marie, il est sale. Saruman, flippé. Gollum. Ok, bon, je ferai plus de référence à Peter Jackson, j'ai bien compris. Non, mais c'est intéressant. Ça. Est-ce que c'est tout? Et bah, écoutez, on va pouvoir passer à la conclusion. Alors, avant de conclure, on va rajouter des trucs et je vais m'ératoumer moi-même immédiatement pour pouvoir le faire dans le prochain épisode. C'est pas 1,7 million de francs le budget, c'est 500 millions de francs. Donc voilà, c'est beaucoup. Colossal. Ah ouais, encore plus. C'est encore plus. C'est même beaucoup plus. Ça fait combien de fois plus, Sacha? Toi qui es bon en maths. Ça fait 500 fois plus. Voilà, bravo. À peu près. Et non, par contre, c'est 1,7 million de personnes qui sont allées le voir en salle à la sortie. Qui est beaucoup pour l'époque. Beaucoup ah ouais. Pour l'époque, c'est énorme. Et en fait, le film est sorti vraiment au bon moment puisque c'est. Et donc Disney a vraiment cartonné, était un peu dans une période de mou. Je sais pas si vous voyez, parce que 80, c'est entre les trucs qu'il y avait avant, du genre Bambi, etc. machin. Et la petite avant, sirène. Avant les 90, là. Voilà, avant la période. En gros, avant Glenkin, dont on parlait la dernière fois. Glenkin, il est arrivé sur Rocks, Rocky, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et qui est en 81. Et il a vraiment commencé à cartonner. Je dirais avant la petite sirène. D'accord. Ouais, donc il s'est vraiment placé aussi au bon moment. Je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est. Non, je pense pas que ce soit fait exprès, mais. Voilà. Ouais, c'est-à-dire ça que devait le film, se comme le ça. Film est arrivé comme étant un des plus successful. Je cherche un le des mot plus grands succès. Un des plus grands succès, oui, de son époque en animation. C'est vraiment bien. Comment tu dis successful en français? Je pense que tu dis un des plus grands succès. Ah la vache, voilà. Y a pas de mot. Non, successeur. Non, pas du tout, non. Bah, ok. Asexué, non plus. Six and a half hours later. Sexuel, ce n'est pas ça. Non, surtout pas, monsieur. Et si on concluait? Encore. Oui, Robert, tu voulais juste rajouter un truc sur le robot. Oui, le robot. En fait, on avait dit qu'on en parlerait, on n'en a pas parlé. Donc il y a un robot dans le film, voilà. Oui, logique. Le robot géant qui a inspiré. Un robot géant qui a inspiré Iron Giant et qu'on peut aussi retrouver. À peu près, et pas exactement, mais qui a des bonnes inspirations dans les Miyazaki, oui. Justement. Qui en fait, lui, sert de Deus Ex Machina au film, hein, parce que c'est. Ah bah, dès qu'il y a un problème. C'est un robot qui est contrôlé par le roi, qui va tout détruire, et au bout d'un moment, le robot, en fait, va prendre sa propre conscience et va se mouvoir par lui-même. Est-ce qu'on a déjà expliqué ce qu'était un Deus Ex Machina? Je ne crois pas. Ben, c'est parti. Alors, vous avez tous vu Jurassic Park? Voilà, à la fin du film, quand c'est la merde, il y a un T-Rex qui vient tout manger et fin de l'histoire. C'est en gros, hein, Deus Ex Machina, à la base, c'est basé sur les tragédies grecques. C'est un dinosaure. Mais en fait, c'est un dieu qui intervient pour faire avancer l'histoire. Voilà, en gros, dans les tragédies grecques. Non, c'est un dinosaure qui intervient. Oui, dans les tragédies grecques, c'est un dinosaure qui intervient pour faire avancer l'histoire. C'est ce que je voulais dire. Et du coup, donc, maintenant, un Deus Ex Machina, c'est vraiment quand on voit que l'histoire, elle arrive à un blocage et qu'il n'y a plus moyen d'avancer et que donc il faut. C'est un coup de pied au cul du scénario. Voilà, un coup de pied au cul du scénario que maintenant tout le monde déteste parce que ben c'est la facilité. Forcément, ça peut être bien fait. Comme dans Jurassic Park, je suis désolé, t'es très content de le voir arriver, le T-Rex. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que c'est un peu casse-gueule, ça peut être aussi bien fait que aussi bien raté. On appelle ça une grosse facilité, en fait. C'est ça. Et si tu l'as fait passer de façon cool, exemple un T-Rex, ça peut être cool. Ou un robot. Est-ce que vous avez des exemples de mauvais Deus Ex Machina? Oula, si tu nous cherches 5 minutes, ouais, mais là, comme ça, non. Laisse-nous chercher, mais à brûle pour point. C'est une bonne question, ouais, tu vois. Parce que il y en a, c'est sûr. Très mauvais Deus Ex Machina, il y en a, voir Jurassic World, je pense. On reste sur les dinosaures. Sans même réfléchir, à mon avis, ils ont essayé de faire la même et ça n'a pas marché. Ah ouais, tu penses? Là, j'en ai aucun qui me vient. Ouais. Bon, on cherchera pour le prochain. On mettra ça quelque part. C'est le moment des recommandations. Avant que je vous libère, qu'est-ce que c'est, vos recommandations, Sacha? Oula, il est fatigué, on va aller. Ouais, c'est compliqué, là. Alors, je connais pas le nom de la personne vraie véridique, je connais juste le nom de la chaîne YouTube, mais c'est un animateur qui fait des clips et des courts-métrages. La chaîne s'appelle Félix Colgrave, C-O-L-G-R-A-V-E. Donc il a fait des clips et des courts-métrages, et notamment le court-métrage le plus connu s'appelle Double King. Il a aussi fait quelques clips, dont un que j'aime beaucoup pour le groupe Fever the Ghost, le morceau Source. Et c'est de l'animation extrêmement colorée, complètement barrée, avec des personnages au design parfois limite glauque, effrayant, mais c'est toujours très joyeux et ça saute dans tous les sens et avec des idées complètement tirées par les cheveux de mise en scène et de possibilités graphiques. C'est très très très très très très c'est très, très. Ok, Robin, quelle est ta recommandation? Ma recommandation est la suivante. Je mets un petit effet. C'est un film d'animation aussi qui va traiter pareil du despotisme et du pouvoir mis en place et donc le peuple qui souffre de tout ça. Ce film s'appelle Persepolis. C'est un grand oui. Voilà, c'est dirigé par Marjan Satrapi, qui est aussi auteur de la BD. Voilà, qui est aussi autrice de la BD ou auteur. Auteur. Je ne sais pas si on doit dire autrice ou auteur. Et Vincent Parono. Et donc, en fait, elle a mis en animation cette BD en gardant le style de dessin qu'elle a, qui sont avec des gros traits noirs et tout ça. Et ça traite aussi d'un sujet lourd. Avec aussi donc une dictature et tout oui, ça. De quelle dictature il s'agit en fait? Ça se passe en Iran sous le... C'était le chat, non? Le chat. Oui, c'est ça. J'adore. ça fait pas trop dictateur. Oui, donc et toute son enfance parce qu'elle a vécu en fait. Toute son enfance en Iran, sous la dictature du chat. Voilà. Voilà pour ma recommandation. Mais écoute, c'est une excellente recommandation. Moi, je vais vous recommander. En fait, tout Marjan Satrapi est une excellente recommandation. On vous recommande. Lisez tout, voyez tout. C'est tout. Eh bien, c'était tout. Non, moi, ça va être un film d'animation français également, qui est très peu connu. En fait, je me rends compte en vous en parlant que vous connaissez pas du tout. Il s'appelle Le Château des Singes. C'est sorti en 1999. Le quoi? Le Château des Singes. C'est sorti en 99. C'est de Jean-François Laguioni. Oh, Laguioni. Ah, ok. Et c'est un très beau film. C'est plus léger que Le Roi et l'Oiseau. Il y a une bande originale d'Alexandre Desplat, donc c'est plutôt cool. Et ça parle de deux espèces de singes, en fait, qui sont les singes du haut, qui sont les Wanko, et les singes du bas, qui sont les Lanko, voilà. Et en fait, les singes du haut... On dirait des noms de bonbons de Charlie. Ont peur des singes du bas, et inversement. Mais en fait, ils ne savent rien les uns des autres. Donc les singes du haut, on leur apprend... Ils vivent dans les arbres, et on leur apprend que... Mais ils ont une société, etc. Ils vont voir l'école. Et on leur apprend que s'ils tombent, ils vont se faire dévorer par les monstres du bas. Et en fait, il y a un jeune singe qui tombe un jour et qui découvre en fait le monde du bas et ce qui est vraiment le monde du bas. Et c'est passionnant. Ils ont créé tout un univers en fait de ça, avec un personnage extrêmement charismatique du roi des singes, du roi des Lanko en bas. Et c'est super cool. Je vous le recommande fortement. Et ben écoutez. C'était tout pour nous. On a parlé donc du Roi et l'Oiseau, c'était la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas, allez voir des films d'animation. Bisous.